Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Je vais parler à une femme dont le mari est parti. Ça fait plus d'un an que le mari est parti de la maison. Laisse-moi te dire que Dieu a écouté tes prières et Dieu va restaurer ton foyer. Tu verras un miracle. Ton mari est comme le fils prodigue. Dieu lui-même va le ramener et ton foyer va être restauré. Oui, n'accepte pas des hommes qui te sollicitent. Ne tombe pas dans le péché. Ne cède pas parce que ton Dieu est fidèle. Ton Dieu a écouté tes prières. Ton Dieu a vu tes dons, tes offrandes. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton voisin. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, du premier verset jusqu'au verset 7. Chaque matin, je me lève. Je prie avec OSB. Chaque matin, moi, je prie. Je prie avec OSB. Lisons 1 Corinthiens 4, 1 à 7. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens pas coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce texte. Voici la première vérité. Nous devons nous considérer comme des serviteurs de Christ et des intendants de Dieu. Vous voyez? Lorsque, par exemple, tu sers le Seigneur dans l'église, tu peux être pasteur, tu peux être diacre, tu peux être un choriste, tu peux être membre du service social, tu peux être dans l'intercession. Donc, tu dois te considérer comme serviteur de Christ, pas quelqu'un qui est là pour se montrer, pour qu'on parle de toi. Nous sommes des serviteurs. D'ailleurs, le mot grec qui est traduit par serviteur, c'est doulos, c'est esclave. Nous sommes des esclaves. Ne cherchons pas à nous frapper la poitrine. Donc, chacun de nous doit se considérer comme esclave, serviteur de Christ et intendant. Dans la version Louis II, on utilise le mot dispensateur. Dans d'autres versions, dispensateur est traduit par intendant. Nous sommes des intendants de Dieu. Tu es un intendant de Dieu. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu possèdes, le vrai propriétaire, c'est Dieu. C'est Jésus-Christ. Si tu as l'argent, si tu as des comptes bancaires, si tu as une maison, si tu as des terrains, tu dois te considérer comme un intendant. C'est-à-dire tu vas rendre compte de ta manière de gérer. Tu es un dispensateur. Si tu es pasteur, tu es un homme de Dieu. On t'a confié un troupeau. Tu es berger. Tu es un intendant de Dieu. Tu es un dispensateur, vous voyez? Et ce que le Seigneur te demande, c'est la fidélité. Tu dois gérer fidèlement ce que Dieu t'a confié. C'est ce que Paul dit ici, le verset 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, c'est la fidélité. Si, par exemple, dans l'église, ton travail, c'est de balayer, il faut le faire fidèlement. Ne cherche pas à te comparer, ne cherche pas à diriger le culte, non. La tâche qu'on t'a donnée, il faut être fidèle. C'est par rapport à ça que Dieu va te juger. Chacun doit être fidèle. Si tu es comptable, si tu es le trésorier de l'église, tu dois rendre compte fidèlement, tu dois gérer correctement l'argent, l'argent des dîmes, des offrandes. Chacun de nous doit être fidèle. Est-ce que tu comprends, mon frère? Tu es un intendant de Dieu. Oui, tu dois être fidèle. Je vais parler à un homme. Écoute-moi bien. Regarde comment Dieu t'a béni. Dieu t'a donné un travail. Dieu t'a donné un salaire. Mais regarde comment tu dépenses très mal ton argent. Tu ne veux pas écouter les conseils de ta femme. Si tu écoutais les conseils de ta femme, il y a longtemps que vous aurez de grandes réalisations. Mais tu es désordonné. Tu ne veux pas épargner. Tu dépenses ton argent n'importe comment. Tu n'as même pas la notion de budget ni d'épargne. Mon ami, tu es un intendant de Dieu. Si tu es un intendant de Dieu, tu dois apprendre même à donner la part de Dieu, la dîme, les offrandes. Est-ce que tu comprends? Parce que ce que tu possèdes là ne t'appartient pas. Tu es un intendant. Et chacun de nous va rendre compte de son intendance à Dieu. Deuxième vérité. Dieu mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres. Et il manifestera les desseins de cœur. Ça, nous devons être conscients. Parce qu'il y a des gens qui font des choses en cachette. Je vais parler à un monsieur. Écoute-moi bien. Chaque fois que tu vas en mission, tu trompes ta femme. Hein? Tu peux faire 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Tu dis tu es en mission. Mais toi-même, tu sais. Et pourtant, tu te dis chrétien. Tu sais que tu ne vas pas en mission. Quand tu vas en mission, tu prends une petite copine que tu vas quelque part. Tu dis tu es en mission. Tu trouves toujours des arguments pour dire non, c'est pour le compte de mon travail. Mon ami, repends-toi. Cette année-là, le Seigneur me charge de te dire, tu dois te repentir. Sinon, le Seigneur va te dévoiler. Tout ce que tu fais en cachette là, Dieu va te dévoiler. Avant que tu n'aies la honte, vraiment, il faut te repentir. Dieu va te dévoiler. Tout ce qu'on fait en cachette, même si tu te caches n'importe comment, Dieu va te dévoiler. Il va dévoiler les desseins de cœur. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église. Ils ne viennent pas chercher le salut. Ils ne viennent pas chercher Dieu. Mais il y a des gens qui osent venir à l'église pour chercher les concubines, pour faire tomber les pasteurs. La crainte de Dieu, au lieu de venir chercher le Seigneur, veut dire à quelqu'un, tout ce que tu fais semblant d'être diaconesse, d'être prophétesse, alors que tu fais la sorcellerie. Si tu ne te répands pas, Dieu va te dévoiler un jour. Parce que Dieu va mettre à la lumière tout ce qui est caché. Et j'ai dit, le temps est arrivé, vous allez voir, le Seigneur va dévoiler tous les faux. Tous ceux qui se disent apôtres, tous ceux qui se disent pasteurs, prophètes, mais qui sont dans le faux, qui ont fait des pactes avec Satan, ils seront dévoilés parce que Dieu va mettre à la lumière les choses cachées. Paul dit ceci à partir de verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins de cœur. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Je vais parler à une jeune fille. Ça fait 2 fois que tu as fait des avortements. Laisse-moi te dire, tu dois te repentir. Ne continue plus avec cette vie. Tu te dis oui, parce que tu connais un médecin, tu t'arranges avec quelqu'un. Tes parents ne savent pas. Dernièrement, tu étais très malade, mais c'est parce que tu as fait des avortements. Arrête cette vie-là. Ta vie dans cela. Arrête et repens-toi. Considère que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donne-toi tout entier à Jésus. Le Seigneur risque de te dévoiler tout ce que tu as fait en cachette. Oui, le Seigneur va mettre à la lumière. Cherche un pasteur, un homme de Dieu. Va confesser tes péchés. Il va prier pour toi et tu seras guéri. Troisième vérité, nous devons cultiver l'humilité et non l'orgueil. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Par exemple, Dieu t'a donné une voiture, une nouvelle voiture. Il ne faut pas te frapper la poitrine en disant « Oui, c'est parce que je suis intelligent, je suis intelligente. » Tout ce que tu possèdes, c'est Dieu qui t'a donné. Même si tu as des dons, même si tu as des charismes, Dieu t'utilise. Tu as les dons de prophétie, tu as les dons de guérison. Mon ami, il ne faut pas t'enorgueillir. C'est Dieu qui t'a donné. Vous voyez, c'est pourquoi Paul est en train de dire aux Corinthiens, il ne faut pas chercher à nous comparer, à me comparer moi d'Apollos. Nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas nous glorifier, nous ne devons pas nous enorgueillir. Parce que

Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il t'a accordé comme grâce. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous prions à partir d'Abidjan. Chaque 5 heures du matin, cette émission est produite. Vous avez la possibilité de nous suivre en direct. Il suffit de télécharger une application appelée VoxM. VoxM. Et vous recherchez Radio Fréquence Vie, vous tapez et vous pouvez suivre en direct OSB qui est diffusé à partir de 5 heures temps universel. Mais vous avez la possibilité également de recevoir OSB par WhatsApp. Et vous pouvez partager partout dans le monde avec vos amis, avec vos correspondants, avec vos parents. Et ceux qui le font déjà sont des serviteurs. Vous faites une bonne œuvre. Que Dieu vous bénisse. Au microphone, votre serviteur, Dieudonné Ngoumbi. Notre passage du jour, c'est 1 Corinthiens chapitre 4, versets 1 à 7. Voici le sujet des prières que nous vous proposons. Nous allons prier pour que chacun de nous se considère comme serviteur et intendant de Dieu. Que nous puissions bien gérer les biens que Dieu nous a donnés. Que ce soit les biens matériels, que ce soit l'argent, que ce soit les dons, que ce soit les talents. Parce que nous sommes des dispensateurs, des intendants et que chacun de nous soit fidèle. Prions le Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te magnifions pour ce merveilleux jour que tu nous offres encore gratuitement. Merci pour cette bénédiction que tu donnes à chacun de nous. Merci parce que c'est une bénédiction de voir les membres de nos familles, de nous lever, de marcher, de voir. C'est une grâce qui vient de toi. Nous élevons encore ton nom ce matin pour te dire merci pour ces dons, ces talents, ces faveurs que tu nous as faites en nous confiant la gestion des hommes, en nous confiant la gestion de l'âme des hommes en tant que serviteurs, en tant que servantes, en nous confiant aussi de gérer des familles, en nous confiant surtout et surtout des biens financiers, des biens matériels. Merci de faire de nous des participants de ton intendance. C'est une pure grâce et nous voulons prendre cela au sérieux. Et nous ne voulons pas brader, négliger, abandonner, fuir, mal utiliser cette grâce que tu nous as faite. Aie pitié de nous. Pour tous ceux qui ne sont pas conscients, pour toutes celles qui ne sont pas conscientes, que tu nous as confié ces choses-là pour les gérer, pour être des intendants et pour te rendre compte plus tard. Nous demandons donc que ton esprit les habite afin que l'humilité soit leur partage et qu'ils auront des comptes à rendre à Dieu. Béni sois-tu pour la conscience, la sagesse et l'intelligence qui fait de nous des enfants, des vrais entendants pour gérer, bien gérer, sans injustice, sans parti pris, pour l'avancement de ton royaume, ce que tu nous as confié partout où nous sommes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Dieu mettra à la lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il va manifester les desseins de cœur. Nous allons prier pour qu'aujourd'hui, là, le Seigneur puisse dévoiler tous ceux qui viennent dans l'église, qui sont dans les faux, tous ceux qui s'improvisent dans l'œuvre de Dieu, mais qui en réalité n'ont pas reçu l'appel. Ils sont mandatés par Satan. Que Dieu dévoile tout ce qu'ils font en cachette dans le nom de Jésus et que le Saint-Esprit les pousse à la repentance. Nous allons prier pour que même les chrétiens qui font des choses en cachette, oui, qu'ils puissent se repentir, parce que Dieu va manifester à la lumière tout ce qui est caché. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, Père éternel, toi qui disposes de toutes choses, toi qui nous les donnes chaque jour. Nous te demandons de recevoir ce matin notre prière de reconnaissance, notre prière d'action de grâce. Nous prions ce matin pour tous ceux et toutes celles qui s'improvisent servantes et serviteurs de Dieu, alors qu'en réalité, ils font du faux. Nous demandons, Père éternel, que par ton Esprit Saint, tu exposes leurs œuvres afin qu'ils puissent venir à la repentance et se détourner de ces voies iniques. Nous prions également pour les frères et sœurs dans le Seigneur, pour toutes les activités des puissances des ténèbres qu'ils exercent dans nos églises. Nous prions et nous nous élevons contre ces œuvres. Nous les condamnons au nom puissant de Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur, par ta puissance et expose toutes ces personnes, tous ceux qui ont des attitudes rétrogrades, tous ceux que l'ennemi envoie pour s'opposer à l'avancement de ton œuvre. Père éternel, par ta parole, par ton Esprit Saint, expose-les afin qu'ils puissent reconnaître qu'ils ont emprunté une mauvaise voie. Nous disons merci, Père, pour tes fils et tes filles qui marchent dans la crainte de l'Éternel et que tu les préserves, que tu les sécurises. Fais en sorte, ô Père éternel, que l'enseignement dans ta maison soit un enseignement pur, un enseignement saint qui contribue à l'édification de tes fils et de tes filles. Nous disons merci également, Père éternel, parce que tu nous as appelés et tu nous as envoyés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Donc, c'est pourquoi nous devons être humbles. Bannissons l'orgueil. Prions donc pour que l'esprit d'orgueil soit chassé du milieu de nous. L'esprit d'orgueil au milieu des chrétiens. L'esprit d'orgueil parmi les serviteurs de Dieu. L'esprit d'orgueil même dans l'église. Que cet esprit soit chassé. Que le Seigneur nous accorde l'esprit d'humilité. Prions le Seigneur. Oh, it's me. Oh, it's me. Notre Dieu et notre Père, que ton nom soit exalté, loué, magnifié et béni ce matin. Parce que tout ce que nous avons vient de toi. C'est toi qui nous as donné cette épouse. C'est toi qui nous as donné ce mari, ces enfants, cette famille, ce travail, cette intelligence d'être là en vie aujourd'hui. C'est par pure grâce. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est avec toi que nous avons l'argent pour nous déplacer, cette voiture, ces enfants qui nous appellent. C'est par pure grâce, Seigneur. Donne-nous d'être conscients de cela et que l'humilité nous habite. Ce n'est pas de par notre propre force, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas par nos pouvoirs, ce n'est pas par nos connaissances, ce n'est pas quelqu'un qui nous a délégué ce pouvoir, qui a fait que nous sommes là, nous avons ce poste, nous avons ces privilèges. C'est toi qui l'as voulu ainsi. C'est toi qui as décidé pour nous ainsi. Alors, nous déclarons nul et sans effet toute espèce d'orgueil dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous détruisons les œuvres de l'orgueil. Tous ceux à cause de la position, à cause de l'argent, à cause de leur titre, qui sont orgueilleux. Seigneur, la Bible dit que tu résistes aux orgueilleux. Résiste-les et qu'ils sachent que tu es Dieu. Merci de te manifester. Père, touche-les aussi. Convainc-les de péché. Brise-les et ramène-les à savoir que tu es un Dieu qui a fait toutes choses. Et tu leur donnes le temps de se repentir parce que c'est toi qui donne le souffle de vie et tu es capable de l'arracher à tout moment. Jésus, notre Seigneur et Sauveur, tu es vivant, tu demeures vivant en tout temps et en tout lieu. Merci de nous libérer comme des hommes humbles. Merci Saint-Esprit de nous façonner encore et encore afin de demeurer dans l'humilité et que Seigneur notre Dieu, ta grâce surabonde dans notre vie. Merci Seigneur pour ce que tu as prévu de faire encore aujourd'hui. Fais-le à la gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.